إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence maintenant le cours numéro 6. Hier j'avais écrit le cours numéro 6, mais c'était le cours numéro 5 finalement. Aujourd'hui c'est le cours numéro 6 dans l'explication de tafsir surat al-Hujurat. Et donc c'est le tafsir de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen. Aujourd'hui on est arrivé dans le verset numéro 6. Hier c'était le verset 6. Aujourd'hui on va expliquer à partir du verset 7 dans surat al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Donc c'est les versets 7 et 8 dans sourate Al-Hujurat qui signifie: et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs, et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait, et Allah est omniscient et sage. Donc, on va lire le tafsir maintenant de ce verset, qu'est-ce que ça signifie. Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, il cite ces versets, puis il dit: Qawlullah tabaraka wa ta'ala, wa'alamu anna fikum rasulallah, لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيهم، فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته. وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولكن العبرة بعموم اللفظ، وقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا له أمثلة كثيرة. Donc on va traduire cette partie, puis on va continuer la suite après. Donc, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Hafiz Rahimahullah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc, et sachez que parmi vous, hein, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parmi vous. S'il vous obéissait dans plusieurs de vos affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah a rendu, a fait que حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ, il vous a fait aimer la foi et il l'a embelli dans vos cœurs. Ce verset est venu après la parole d'Allah lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, lorsqu'un pervers vous vient avec une information, alors vérifiez-la, de peur que par inadvertance vous faisiez du tort à des gens, hein, et que par la suite vous seriez rempli de regrets et de remords de ce que vous aviez fait. Et sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parmi vous. La cause de la révélation de ce verset, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une information à propos d'un peuple ou à propos d'une tribu ou d'un groupe de gens, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de vérifier l'information avant d'agir, parce que certains parmi les sahaba ont voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam punisse cette tribu, hein, pour quelque chose qu'ils avaient fait, ou bien que quelqu'un les a accusés, hein, d'avoir fait quelque chose de pas correct, et donc ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire: il faut punir cette tribu en question pour l'action ou pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce verset, a révélé ce verset au messager d'Allah pour lui ordonner de vérifier l'information lorsqu'elle vient de la part de quelqu'un dont on ignore l'honnêteté, dont on ignore la droiture. Et donc c'est comme si, comme le cheikh dit, certains ont voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam punisse cette tribu-là à partir de l'information qui lui était parvenue, puis par la suite il a vérifié l'information, et l'information qui lui était parvenue à propos de cette tribu-là, il a constaté que c'était faux, hein, que l'information n'était pas vraie. Et donc ça, c'est un exemple qui nous montre l'importance de vérifier l'information qui nous parvient lorsqu'on ne sait pas, hein, son authenticité, puis on ignore de qui, hein, la personne en question, qui elle est, ou bien est-ce que c'est une personne honnête ou fiable, ou lorsque c'est une personne dont on sait que c'est justement une personne qui n'est pas honnête, de vérifier l'information. Et le cheikh, il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas attaqué cette tribu, et il a vérifié l'information, puisque le verset était révélé sur lui, de vérifier. Et il ne faut pas comprendre que lorsqu'on mentionne la cause de la révélation d'un verset, que le verset en question se limite uniquement à cette cause-là. Parce que les ulama, ils ont une règle en ce qui concerne le tafsir, c'est qu'ils disent « Al-ibra bi'umum al-lafzi, la bi'khusus al-sabab. » Al-ibra bi'umum al-lafz, la bi'khusus al-sabab. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit tenir compte par rapport au verset, c'est pas la cause spécifique de sa révélation, mais plutôt le sens général de son sens. Et donc, on peut l'appliquer à n'importe quelle situation ou à n'importe quel autre événement qui se produit, qui est semblable et qui est pareil, qui possède les mêmes situations. Donc, c'est pas juste un verset qui s'appliquait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vérifier l'information lorsqu'elle vient de la part de quelqu'un qui n'est pas connu ou qui n'est pas honnête, qui n'est pas droit, eh bien ça reste jusqu'à la fin des temps. C'est pas quelque chose qui était spécifique uniquement à l'époque où le verset a été révélé, ou bien c'est pas restreint uniquement à la cause de la révélation du verset en question. Et le cheikh il dit: وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. C'est-à-dire, sachez que parmi vous, hein, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parmi vous, et s'il vous obéissait dans plusieurs de vos affaires, vous seriez en difficulté. C'est-à-dire, que ce que vous demandez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce serait quelque chose qui serait très lourd et difficile pour vous. Il y a beaucoup d'exemples de ça, et le cheikh il va nous donner des exemples. Donc il dit وهذا له أمثلة كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام فانصرفوا وقد بقي من الليل ما بقي وقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني طلبوا منه أن يقوم بهم كل الليل ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولم يوافقهم على طلبهم لما في ذلك من العنة والمشقة ومنها donc ça c'est un exemple qu'il a mentionné ici, c'est l'exemple que يعني le prophète صلى الله عليه وسلم a prié la nuit avec les sahaba pendant le Ramadan et il a fait la salat avec eux, puis ils sont partis alors qu'il restait encore une partie de la nuit. Il n'a pas prié toute la nuit au complet, mais une partie de la nuit seulement. Alors les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, si tu continues à prier avec nous le reste de la nuit, c'est-à-dire ils ont demandé au messager d'Allah de prier la nuit entière avec lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, celui qui prie avec son imam dans la prière de la nuit, dans le tarawih, jusqu'à ce que l'imam s'en aille, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il termine et qu'il sorte, eh bien, on lui écrira d'avoir, comme s'il a prié toute la nuit. C'est-à-dire, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam termine, on va lui écrire comme s'il avait prié la nuit entière. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et Naam, et Ibn Majah également. Et c'est un hadith qui est authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté leur demande de prier toute la nuit au complet. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ça de la difficulté. Hein? Et c'est pas tout le monde qui aurait été capable de continuer comme ça, de prier toute la nuit. Et donc pour alléger la religion pour les gens, il n'a pas accepté qu'on prie toute la nuit et il a dit, celui qui prie avec son imam jusqu'à ce qu'il s'en aille, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Donc il a la récompense d'avoir prié toute la nuit, même s'il n'a pas prié toute la nuit. ومنها أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحثوا عن أمره في السر يعني فيما لا يظهر للناس وهو العمل الذي يفعله صلى الله عليه وسلم في بيته من العبادات فكأنهم تقلوها فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأما هم فلم يكن لهم ذلك فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عليهم ومن ذلك. Donc ça c'est un autre exemple que le cheikh a donné, c'est qu'il y a un groupe d'entre les sahaba qui se questionnait au sujet de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était chez lui, hein, lorsqu'il priait, lorsque les gens ne le voyaient pas, comment il faisait son adoration. Alors ils ont voulu essayer de connaître son adoration lorsqu'il était chez lui, et ils sont allés poser la question donc au sujet de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison au maire des croyants. Et lorsqu'ils ont appris qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait chez lui comme adoration, ils ont eu l'impression que c'était peu. Alors ils ont dit, puisque c'est ainsi et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, eh bien dans ce cas nous on va yani, on doit faire plus que ça encore, hein? Alors yani, ils ont cru qu'ils devaient faire plus, Et en réalité, c'était une erreur de leur part. Donc, un d'entre eux a dit, moi je vais jeûner tout le temps. Je ne vais jamais cesser de jeûner. Je vais jeûner tous les jours. L'autre a dit, moi je vais prier et je ne vais jamais dormir la nuit. Je vais toujours prier. Et le troisième, il a dit, moi je ne vais pas épouser de femme. Je vais rester tout le temps célibataire. Alors le professeur Hassan a entendu ça et il a dit, moi, parfois je jeûne et parfois je brise mon jeûne. Parfois je jeûne et parfois je romps le jeûne. Il y a des jours que je jeûne, des jours que je ne jeûne pas. Et parfois je dors la nuit et parfois je prie. Donc je prie et je dors. Et j'épouse des femmes. Celui qui n'aime pas ma sunna ou bien cherche autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Alors il les a avertis de chercher à faire une action qui est trop lourde pour eux et qu'ils ne seront pas capables de poursuivre. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que la meilleure action, c'est celle que tu continues à faire, même si c'est peu. La constance. La constance est mieux que de faire beaucoup d'un coup, puis après tu laisses. Et le cheikh il dit, ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنه ليصومن النهار وليقومن الليل ما عاش فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت قلت كذا أو قلت هذا قال نعم قال إنك لا تطيق ذلك ثم أرشده لما هو أفضل وأهون نعم. Donc le cheikh il a dit, il y a quelqu'un également, et c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, selon son père, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu, on lui a dit que il voulait prier la nuit et jeûner le jour. Il a dit, je vais certes jeûner tous les jours et prier toutes les nuits jusqu'à ma mort, tant que je suis en vie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça et il lui a dit, est-ce que c'est vrai? Il l'a appelé, il lui a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as dit ça? Il a dit, oui, j'ai dit ça. Il a dit, tu ne seras pas capable. Tu ne seras pas capable de faire ça. Parce que peut-être que lorsque quelqu'un est jeune, il est fort, il dit, moi je prie la nuit, je vais jeûner le jour, je vais faire beaucoup d'adoration. Mais il arrive que, par exemple, il tombe malade, ou il devient faible, ou bien il vieillit, il devient plus âgé, son corps s'affaiblit, il n'a plus la force qu'il avait lorsqu'il était jeune. Donc il n'est pas capable de continuer à faire ce qu'il faisait lorsqu'il était jeune. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, prends ce qui est meilleur et ce qui est, fais ce qui est moins dur pour toi. Le cheikh dit, والحاصل أنه يوجد من الصحابة رضي الله عنهم من له همة عالية من له همة عالية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيعهم في كثير من الأمر لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم ثم قال عز وجل لا يطيعهم في كثير من الأمر لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وقد يقول قائل ما هو ارتباط قوله ولكن حبب إليكم الإيمان بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم الجواب أنكم تطيعونه أي الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه لأن الله حبب إليكم الإيمان فتقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعني ولكن إذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه، ولكن حبب إليكم الإيمان أي جعله محبوبا في قلوبكم وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به، وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة، ولكن إذا زين له الشيء ثبت في المحبة ودامت. ولهذا قال حبب إليكم الإيمان، وهذا في القلب، وزينه في قلوبكم أيضا في القلب، ولكن إذا زين الشيء المحبوب للإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه. Donc le cheikh il explique, il dit donc que on voit l'exemple de plusieurs d'entre les sahaba qui avaient en fait une motivation très élevée de faire des bonnes actions et de faire du bien. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parfois il ne les obéissait pas dans beaucoup de choses qu'il voulait pour en fait limiter la difficulté sur eux. S'il les avait obéi, ça aurait été trop dur pour eux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais Allah vous a fait aimer la foi. Et donc, quelqu'un pourrait poser la question, mais pour quel est le rapport et le lien entre le début du verset et la suite, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit mais il vous a fait aimer la foi, et le début du verset qui dit et sachez que le messager d'Allah est parmi vous s'il vous obéissait dans beaucoup de vos affaires. Quel est le lien entre les deux? Et le cheikh il explique, il dit c'est-à-dire que vous lui obéissez, c'est-à-dire vous obéissez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les choses dans lesquelles il vous contredit. Dans les choses dans lesquelles il vous contredit. Pourquoi? Parce que Allah vous a fait aimer la foi. Et donc vous donnez précédence à l'obéissance du messager, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les choses dans lesquelles il vous a contredit dedans. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. Et ça c'est pour montrer, comme pour montrer aux sahaba et aux croyants, yani le plus bel exemple, comment les croyants reviennent à qu'est-ce qui est mieux pour eux de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. C'est-à-dire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous contredit dans plusieurs de vos affaires que vous voulez faire, mais malgré qu'il vous contredit, vous ne détestez pas. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est ça. Vous ne contredisez pas, vous n'avez pas de colère ou de rage contre lui par rapport au fait que il vous contredit dans ces affaires-là et vous ne vous fâchez pas contre lui à cause de ça. Pourquoi? Parce que Allah a embelli la foi dans vos cœurs, c'est-à-dire il l'a rendu aimable à vos cœurs et il l'a embelli aussi dans vos cœurs, du fait que c'est pas un amour qui vient, l'amour de la foi, c'est pas quelque chose qui vient comme ça puis qui s'en va. Non, c'est quelque chose qui est là et qui reste par la suite. Il dit parce que parfois c'est possible que quelqu'un aime quelque chose qu'il fait au moment où il l'a fait puis que par la suite ça s'en va. Mais lorsque cette chose-là nous a été embellie dans nos cœurs, ça veut dire que c'est quelque chose qui reste et qui va demeurer. Cet amour-là, elle va rester, elle va demeurer. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ, il vous a fait aimer la foi dans votre cœur. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, et il l'a embelli dans vos cœurs. Et ça aussi, c'est encore une fois le cœur. Mais il dit, donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a embelli la foi dans vos cœurs, eh bien, tu vas rester sur cet amour. Et ça va être quelque chose qui va être raffermi hein, et établi dans ton cœur. Ensuite, il dit wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-asyan. كره إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة والعصيان الذي هو مقابل الإذعان وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دون فالكفر أعظم من الفسق والفسق أعظم من العصيان والكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم وذكرها الفقهاء رحمهم الله في باب أحكام المرتد أما الفسق فهو دون الكفر ولكنه فعل كبيرة مثل أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما أشبه ذلك والعصيان هو الصغائر التي تكفر بالأعمال الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Donc le cheikh il explique, il dit: et Allah vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Et donc, il vous a fait détester le kufr, qui est l'opposé de la foi. Il vous a fait détester al-fusuq, qui est l'opposé de la droiture. Hein? Et le fait de se cramponner, de s'accrocher à la foi et à la croyance. Et al-asyan, la désobéissance, qui est l'opposé de la soumission. Et donc, le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il mentionne ces trois choses, le kufr, le fusuq et l'asyan, c'est comme en degré du plus grand au plus petit. Il dit le kufr est plus grand que le fisq et le fisq est plus grand que l'asyan. Donc la mécréance est plus grande que la perversité est plus grande que la désobéissance, hein, ou que le péché. Et il dit que le kufr c'est de sortir complètement de l'islam, devenir mécréant. Et il y a des causes pour cela qui sont connues dans les livres des savants de l'islam et des ulama de fiqh, et on le retrouve également dans les livres de fiqh dans le chapitre Ahkam al-Murtad, hein, ou bien Ahkam al-Ridda. Donc ça c'est des choses qui font que quelqu'un, s'il les a comme croyances ou des paroles qu'il dit ou des actions qu'il fait, ça peut le faire sortir de la religion complètement. Et il y a ensuite al-fisq, qui est moindre que le kufr, qui est moindre que la mécréance. Et c'est, le cheikh il dit, c'est moins que la mécréance, mais c'est le fait de faire un grand péché. Comme par exemple, si quelqu'un fait un grand péché parmi les grands péchés, sans s'en repentir, comme par exemple la fornication, l'adultère, le fait de boire de l'alcool, de voler, d'accuser de façon mensongère ou sans preuve, sans témoin, quelqu'un d'avoir commis l'adultère ou la fornication. Donc ça, tout ça, ça fait partie des kaba'ir et les choses semblables. Donc il y a beaucoup d'autres péchés parmi les kaba'ir que le cheikh il mentionne pas, mais c'est juste pour donner des exemples. Et après il dit al-asyan, ça désigne ici les petits péchés que quelqu'un peut commettre, et ces petits péchés là sont expiés par les bonnes œuvres qu'on fait. C'est-à-dire, les bonnes œuvres, comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cinq prières que tu fais. Les péchés que tu fais entre tes cinq prières, elles sont expiées par les prières. Donc par exemple, si tu fais des péchés, après le dhuhr jusqu'à l'asr, eh bien, tu fais des petits péchés entre les deux, eh bien, la prière de l'Asr va effacer ce que tu as fait entre le Zohr et l'Asr. Et si tu, par exemple, fais des péchés après l'Asr jusqu'à le Maghreb, les petits péchés que tu as fait entre le Asr et le Maghreb vont être expiés par ta salat. La même chose pour le Jumu'ah. D'un Jumu'ah à l'autre, qu'est-ce que tu as fait entre les deux? C'est effacé par ta prière de Jumu'ah. et d'un ramadan à l'autre, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu fais entre deux ramadans, c'est expié par ton ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, majtunibat al-kaba'ir, c'est-à-dire tant que tu t'es écarté des grands péchés. Par contre, parce que pour que les grands péchés soient pardonnés, il faut qu'il y ait une repentance. Il faut que tu aies la repentance, et les conditions de la repentance, on les a mentionnées au dernier cours ou dans les derniers cours, et le cheikh il va les rementionner plus tard, on va les voir en détail inshallah. Aussi un point important, majtunibat al-kaba'ir, tant qu'on s'est écarté des grands péchés, comment on fait pour savoir qu'est-ce que c'est un grand péché, ou comment on distingue un grand péché d'un petit péché? Eh bien, les ulama de l'islam ont désigné ou ont expliqué que les grands péchés, c'est les péchés qui sont faits et qui sont reliés dans les textes à une menace ou à une punition dans cette vie ou dans l'autre, hein, ou à une malédiction. Donc s'il y a un péché qui a été mentionné dans les textes, dans le Coran ou dans la Sunna, et qui est relié à une punition dans cette vie ou dans l'au-delà, ou à une malédiction ou à une menace quelconque, ça veut dire que c'est un grand péché. Et tous les autres sont des petits péchés, c'est des péchés qui sont petits. Et il ne faut pas penser que de faire un petit péché comme ça, c'est pas grave. Du fait que c'est pas un grand péché, tu dis c'est pas grave, je vais le faire. Parce que les ulama disent que les petits péchés, si tu persistes à les faire, elles deviennent des grands péchés. Les ulama, ils disent là, al-sara'ir yakunun kaba'ir ou takunu kaba'ir ma'al israr. C'est-à-dire que avec le fait de persister à faire un petit péché, ça peut devenir un grand péché. Et voilà kabira ma'al istighfar. Voilà kabira ma'al istighfar, c'est-à-dire si tu as des grands péchés, si tu t'es repenti et tu as demandé pardon, alors il n'y a pas de péché dans ce cas-là. Bon, juste pour vous donner un exemple, parce que les gens ils demandent parfois par rapport aux petits péchés, qu'est-ce que ça peut être. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans surat al-Najm, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا الْلَّمَمْ. Et al-lamam, c'est les petits péchés. Et l'exemple de Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit, radiyallahu anhu, au sujet de al-lamam, que c'est par exemple le fait de regarder une femme. Lorsque tu passes dans la rue, tu vois une femme, ça c'est un exemple de petit péché. Et bien entendu, c'est quelque chose qui peut t'amener à des grands péchés. Donc c'est quelque chose de grave quand même, mais il faut s'en écarter. Et si quelqu'un le fait, bien ça fait partie des choses qui sont effacées ou expiées par les bonnes actions que tu fais pendant la journée, comme la salat, et d'un Jumu'ah à l'autre et d'un Ramadan à l'autre, tout ça s'est effacé par les adorations en question. Naam. Donc après avoir mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala il a embelli la foi, ou bien qu'il nous a fait aimer la foi, qu'il l'a embelli dans nos cœurs, et qu'il nous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance, il dit ensuite Oulaika humur rashidun. Et le cheikh il explique, il dit Oulaika al-mushar ilayhi man habbaba ilayhim al-iman, man habbaba Allah ilayhim al-iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karaha ilayhim al-kufr wal-fusuq wal-asyan wa humur rashidun. Yani humur rashidun yani alladhina salaku tariq ar-rushd. والرشد في الأصل حسن التصرف وهو في كل موضع بحسبه فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه يعني لا يبذله في غير فائدة والرشد في الدين هو الاستقامة على دين الله عز وجل فهؤلاء الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون. وهنا تجد في هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله، تجد هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله. ولهذا قال بعدها فضلا من الله، يعني أن الله أفضل عليكم فضلا، أي تفضلا منه، وليس بكسبكم، ولكنه من الله عز وجل. ولكي يعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص. فمن علم الله منه حسن النية وحسن القصد والإخلاص حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومن لم يعلم الله منه ذلك، فإن الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان، فهؤلاء الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوا للحق. قال عز وجل فضلا من الله ونعمة. On va lire cette partie. Le Cheikh explique que ceux-là sont ceux qui ont été bien orientés ou bien guidés. C'est-à-dire ceux-là, on parle de ceux à qui Allah a fait aimer la foi et à qui il a embelli dans leur cœur et à qui il a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien orientés ou les bien guidés. Et le cheikh il explique, c'est eux qui ont suivi le chemin de, en arabe, ar-rushd. Ar-rushd, c'est la droiture. Ok. Et il dit qu'à la base, le mot rushd, ça veut dire de bien savoir comment gérer les choses, de bien savoir comment yani, s'occuper des choses, et en particulier, par exemple, quand il est question d'argent. On dit ar-rushdu fil mal. Le fait d'être quelqu'un qui sait bien comment gérer l'argent, comment s'occuper de son argent et comment bien la dépenser. Donc, ar-rushdu fil mal, le cheikh il dit, c'est comme si, par exemple, quelqu'un, il dépense son argent, mais il le dépense que dans qu'est-ce qui est bénéfique. Il va pas dépenser son argent dans qu'est-ce qui n'est pas bénéfique. On dit que c'est une personne qui est rachid, hein. Rajulun rachid, hein. Imra'atun rachida. Donc, des fois, il y a des gens qui s'appellent comme ça aussi, rachid, hein. Rachid. Et les koufars, ils comprennent pas, ils pensent que, hein, ils entendent le mot Rachid, ça leur fait penser à Rachid. Ils savent pas que Ar-Rushd, ça veut dire la droiture, et c'est le fait d'être droit et d'être bien. Ar-Rushd, c'est une bonne qualité, et le nom Rachid, c'est un très beau nom aussi, à cause de ça. Et il dit, le Cheikh, que Ar-Rushd dans la religion, quand quelqu'un est rachid dans sa religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sur la droiture, sur la fermeté. Il s'est cramponné et accroché fermement à la religion d'Allah. C'est ça que ça veut dire, quelqu'un qui a Ar-Rushd dans sa religion. Et ceux-là sont ceux que ceux à qui Allah a fait aimer la foi, et à qui il l'a embelli dans leur cœur et leur a fait détester la mécréance, la perversité, la désobéissance. Ce sont eux qui sont les bien guidés, qui sont les bien orientés, qui sont les gens de la droiture. Et ici le cheikh il dit qu'on voit que tous ces verbes sont reliés à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur fait aimer, parce qu'il dit habbaba وكرها. C'est-à-dire, c'est Allah qui a fait aimer. Et c'est Allah qui les a fait détester. C'est Allah qui leur a fait aimer la foi. et qu'il l'a embelli dans leur cœur, et c'est lui qui leur a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement, Allah dit, فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمًا. C'est une grâce qui vient d'Allah. C'est Allah qui, c'est par la grâce d'Allah qu'ils ont détesté la mécréance et qu'ils ont détesté la perversité et le péché et la désobéissance. Donc, le cheikh il dit, si vous détestez ces choses, les choses mauvaises et que vous aimez le bien, ça veut dire que Allah vous a fait part de sa grâce. Et non pas que vous l'avez reçu de vous-même, c'est-à-dire que vous l'avez fait par vos propres moyens, non. Mais c'est Allah qui vous a fait cette grâce-là. Hein? Donc c'est pour que vous sachiez que Allah subhanahu wa ta'ala sait où il a placé son message. Et il sait également en quel individu et chez qui il doit placer cette foi. Hein? Donc il choisit en qui il met la foi. Et il dit, c'est par rapport à la bonne intention de la personne, à sa bonne intention et à sa sincérité, c'est comme ça qu'il sait en qui il va placer la foi. Il voit quelqu'un qui a une bonne intention et qui est sincère, il lui donne, hein, il lui donne la foi et il l'embellit dans son cœur. Et il lui fait détester la mécréance, la désobéissance et la perversité. Et il dit, وَمَنْ لَمْ يَعْلَمِ اللَّهِ مِنْهُ ذَلِكَ. Celui de qui Allah n'a pas su qu'il avait une bonne intention ou qu'il était sincère, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, et lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. C'est pour dire que ton cœur peut dévier, et la raison pourquoi Allah va faire dévier ton cœur, c'est parce que tu as penché vers la déviation toi-même. Et ce verset, c'était à propos des juifs. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur, comme une punition pour leur déviation. Et il dit, فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ. Donc le cheikh dit ici, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et s'ils se détournent, alors sache que c'est uniquement Allah qui veut les frapper ou les toucher, les punir pour certains de leurs péchés. Donc le cheikh explique que les péchés qu'on fait peuvent être une cause de notre contradiction ou bien plutôt de notre désobéissance, hein, et du fait qu'on contredit l'ordre d'Allah. Allah nous punit de nos péchés justement en nous faisant détourner des bonnes œuvres. Hein? Et donc c'est comme si pour dire que la foi amène la foi et le bien amène le bien et le péché amène le péché et la déviation amène la déviation. Et tout ça c'est des causes et des résultats. Hein? Des causes et des conséquences de nous, de qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, de qu'est-ce qu'on fait comme action aussi. Et donc ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait la grâce de leur donner la foi et de l'embellir dans leur cœur et de leur faire détester la mécréance et les péchés, eh bien tout ça, ça fait partie de la grâce d'Allah pour eux, et ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le succès de connaître et de suivre la vérité. Et Allah il dit donc, فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً يَعْنِي إِنْعَامًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ. والنعمة نعمتان نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة فنعمة الدنيا متصلة بنعمة الآخرة في حقهم أما الكفار فهم منعمون في الدنيا كما قال تبارك وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين أي تنعم فهؤلاء الكفار عليهم نعمة في الدنيا ولكن في الآخرة عليهم العذاب اللعنة والعياذ بالله وأما المؤمن فإن يحصل على النعمتين جميعا على نعمة في الدنيا وعلى ونعمة في الآخرة، حتى وإن كان فقيرا أو مريضا أو عقيما أو لا نسب له فإنه في نعمة، لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. donc le cheikh il explique dans les versets qu'on a mentionnés, il explique à propos de la grâce d'Allah, فضلا من الله ونعمة, une grâce, un mérite et une grâce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit فضلا من الله ونعمة, et il dit donc qu'il y a deux grâces qui peuvent venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première grâce, c'est la grâce de la dunya, et l'autre c'est la grâce de l'au-delà. Et la grâce de la vie d'ici-bas, elle est reliée à la grâce de l'au-delà en ce qui concerne les gens qui sont sur la droiture, parce que Allah leur donne la grâce dans cette vie et dans l'au-delà. Tandis que les kuffars, ils ont des grâces dans cette vie d'ici-bas, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans les versets 25, 26 et 27 dans sourate Ad-Dukhan. Il dit, yani, كم تركوا من جنات وعيون, à propos du peuple de Pharaon, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a détruit, a détruit toute l'armée de Pharaon, il les a toutes noyées. Donc qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet dans sourate Ad-Dukhan, verset 25, 26, 27? Il dit: que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux, que de champs et de superbes résidences, que de délices au sein desquels ils se réjouissaient. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire ils ont connu des grâces dans cette vie d'ici-bas, et ce sont des kuffars. Donc ces kuffars, ils ont connu les grâces dans cette vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà ils auront le châtiment et la malédiction. En ce qui concerne le croyant, eh bien lui, le croyant, il reçoit les deux grâces, la grâce de cette vie d'ici-bas et la grâce de l'au-delà. Même si le croyant est faible, même s'il est pauvre, même s'il est malade, même s'il est stérile, il ne peut pas avoir d'enfant, mais il est quand même dans une grâce. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque parmi les hommes ou les femmes font des bonnes œuvres et qu'il est croyant, nous allons lui faire vivre une bonne vie et nous allons le rétribuer d'une récompense, de la meilleure récompense selon ce qu'ils ont fait comme action. خلاصة الكلام في النعمة أن هناك نعمتين: نعمة عامة لجميع الخلق الكافر والمؤمن والفاسق والمطيع, ونعمة خاصة للمؤمنين, وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا. أما الأولى فإنها خاصة بنعم الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة, والله نعم والله عليم حكيم, وهذان اسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائما العلم والحكمة عليم بكل شيء. Donc on va expliquer, le cheikh il dit, donc pour résumer, c'est qu'il y a deux grâces. Il y a une grâce qui est générale pour toute la création, qu'il soit croyant ou mécréant, qu'il soit pervers ou obéissant, et il y a une grâce qui est particulière aux croyants, et cette grâce qui est particulière aux croyants, elle est reliée à la grâce de la dunya et de l'au-delà. En ce qui concerne la première, elle est particulière par rapport à la grâce de la dunya, seulement, c'est-à-dire le même, le kuffar, ils peuvent avoir cette grâce-là, mais ils n'auront pas la grâce de l'au-delà. Et ça, c'est pour que Allah établisse la preuve contre eux. Et le cheikh il dit, et Allah à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset 7, il dit, et il est sage, la fin du verset 8, il dit, et Allah est sage, Allah est omniscient et sage. C'est-à-dire Allah sait toute chose et il est sage. Il dit ça, ce sont deux noms, et ces deux noms-là, Al-Ilm, ces deux attributs plutôt, qu'Allah a mentionnés, elles sont mentionnées ensemble régulièrement dans le Coran. Al-Ilm wa al-Hikma, la science et la sagesse. Wallahu alimun hakim. Allah, il est Al-Alim et il est Al-Hakim. Ces deux noms qui impliquent deux attributs, l'attribut de la science et l'attribut de la sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a la science en toute chose, il a la science de toute chose. Il dit, قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. Donc le cheikh il cite une série de versets dans le Coran qui mentionne sa science, et il dit, pour que vous sachiez que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose et qu'il a enveloppé toute chose par sa science. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Amin. Barakallahu fikum. Et il mentionne dans un autre verset que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de l'heure. C'est lui qui connaît l'heure du jugement dernier. Et c'est lui qui fait tomber la pluie. Et il sait ce qu'il y a dans les arham, dans les matrices, les femmes, lorsqu'elles ont un bébé dans leur ventre, il sait ce qu'il y a dedans. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. C'est-à-dire, il n'y a pas une âme qui sait qu'est-ce qu'elle va acquérir demain. Il n'y a pas une âme qui sait dans quelle terre elle va mourir. Mais Allah, lui, il sait. Et il mentionne un autre verset également dans surat, je crois que c'est dans surat As-Sajda. Il dit, et c'est lui qui détient les clés de l'invisible. Mafatih al-ghayb. Les clés de l'invisible, nul ne les connaît excepté lui. Et il connaît ce qu'il y a dans la terre et dans la mer. Et il n'y a rien qui tombe. Il n'y a pas une feuille qui tombe, excepté qu'il la connaît. Et ni une graine dans les ténèbres de la terre, ni qui est sèche ou qui est ni qui est humide ou sèche, excepté que c'est dans un livre, un livre clair. Ça c'est dans surat Luqman, c'est pas dans surat As-Sajda, je crois que c'est dans surat Luqman. Et il dit, وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, certes il n'y a rien qui lui échappe, que ce soit sur la terre ou dans les cieux. فعلم الله محيط بكل شيء والإنسان إذا علم أن الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه عز وجل ولا يقول قولا يغضب الله ولا يفعل فعلا يغضب الله ولا يضمر عقيدة تغضب الله لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه. وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق ومطابق للمصالح، وما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: حكمة الله بالغة فما تغني النذر، حكمة حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمعنى الحكيم أي ذو الحكمة البالغة، وله معنى آخر وهو ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا أحد يحكم بهواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, sa science enveloppe toute chose. Et l'homme, lorsqu'il sait que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe toute chose, même ce qu'il cache en lui-même dans son cœur, eh bien il craint Allah. Hein? Il le craint et il s'enfuit de lui vers lui. Hein? Et donc, il ne va pas dire une parole qui amène la colère d'Allah. Il ne va pas faire une action qui amène la colère d'Allah. Et il ne va pas cacher en son cœur une croyance qui amène la colère d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala connaît cela. Et qu'il n'y a rien qui lui échappe. En ce qui concerne le nom de Allah al-Hakim, le fait qu'il est le sage, hein, qu'il est le juge parfait et le sage, eh bien, c'est pour, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la sagesse, hein, absolue. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il juge de quelque chose, eh bien, c'est toujours en accord avec le bien. Et qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est bon pour les hommes. Et donc, il n'y a aucune chose que Allah subhanahu wa ta'ala décide ou juge, excepté que c'est selon une grande sagesse. Peut-être que tu peux le comprendre, peut-être que tu peux ne pas le comprendre, mais il y a toujours une grande sagesse dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Comme on dit, il n'y a rien qui se produit pour rien. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans l'univers qui sera absurde ou qui n'aura aucune signification ou aucun sens. Toute chose qui se produit dans l'univers, il y a à cela le plus grand des sens, que tu le connaisses ou que tu l'ignores. Que tu le comprennes ou que tu n'arrives pas à le comprendre, il y a une sagesse dans ce qui se produit dans l'univers et dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et a créé. Et il dit « Hikmatum baliha fama tourni nuzur ». Donc il mentionne un verset dans surat Al-Qamar dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que c'est une grande sagesse, une sagesse absolue. Et il dit ensuite « Alayhi sallahu bi ahkam al-hakimin » N'est-ce pas qu'Allah est le plus sage des sages, hein? Le meilleur des juges. Et il mentionne également, il dit « Et qui est meilleur qu'Allah comme juge pour un peuple qui a la foi et la conviction ?» Donc, une des significations de la sagesse, c'est la grande sagesse, le fait de juger avec sagesse et de décider avec sagesse, c'est-à-dire de faire les choses pour la meilleure raison, et également, également une autre signification de Al-Hakim, c'est celui qui a le jugement absolu et complet, celui qui juge de façon parfaite. Hein? Et donc, il dit les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que si vous divergez en quoi que ce soit, alors son jugement appartient à Allah. Et le verset dans lequel Allah dit « Et si vous disputez en quoi que ce soit, ramenez cette dispute à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. » Donc, il n'y a personne qui doit juger selon sa passion ou son désir. Et il mentionne le verset dans Surat al-Mu'minun, verset 71, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si la vérité était en accord avec leur passion, eh bien tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, hein, tout ce qui, tous les cieux et la terre et ce qui est entre eux, ou ce qui est à l'intérieur d'eux, aurait été corrompu. Si la vérité aurait suivi leurs désirs et leurs passions, eh bien tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et entre les deux, aurait été corrompu. Hein? Donc c'est pour mentionner l'importance, hein, et la grandeur de la sagesse et du jugement d'Allah ainsi que de sa science. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera, bi'iznillah, demain avec la suite de ce tafsir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.